dernière fois que c'est assis sur des chaises capitonnées, c'était au 16e siècle. Ouais. Puis il faisait froid, puis les chaises n'étaient pas chauffées. Je te vois pas, là. Mon Marie-Madeleine est entre les deux. Voilà, et la lumière fut. Là, maintenant, on se voit, mais je ne sais plus si on se voit. Au moins, autant que c'est entendu. Si on s'entend qu'on se voit pas, on s'entend. Le titre de la conférence, je me sens tout drôle quand je suis comme ça. Il me semble qu'il y a quelqu'un en arrière. Il y a raison, mais en tout cas. Si vous le voyez. Si vous voyez qu'il veut me frapper, vous me ferez signe. Le titre de la conférence de ce soir, c'est les lois du karma ou quelque chose semble à ça. En tout cas, c'est les lois karmiques, comprendre les mécaniques des lois karmiques. Avant de parler du karma, pourquoi on appelle ça une loi? Est-ce que c'est un principe de quoi on va parler ou... Bon, une question qui est dangereuse parce que ça perturbe déjà toute la conférence. Parce que qu'est-ce qu'une loi? Souvent, une loi, c'est un mot qu'on va donner à une mécanique qui est incomprise par l'humain. Alors, on parlera des lois de la nature. On parlera des lois scientifiques. Ce sont des mécaniques qui ne sont pas comprises par l'humain. Donc, les lois du karma, c'est aussi un peu définir ce que l'humain ne comprend pas. Alors, on va dire, par exemple, si je lance une pierre dans les airs, elle me tombe sur la tête, il y a une loi de Dieu qui interdit de lancer les pierres dans les airs. Alors, si je lance la pierre dans les airs, puis que tu m'appelles, puis je m'en vais te voir, la pierre tombe à terre. La loi vient de changer. On peut maintenant lancer des pierres dans les airs seulement si quelqu'un t'appelle. C'est une loi. Alors, il y a donc eu dans l'évolution humaine les 10 commandements de Dieu. Un commandement, c'est aussi une loi, sauf que le commandement est impératif, en ce sens que tu n'as pas le choix, c'est pas « vous devriez », c'est « fait », un commandement. Ça reste quand même une forme de loi. Et il y a plusieurs lois par la suite qui vont être établies par la conscience spirituelle ou cartésienne de l'humain, des lois qui définissent des mécaniques que l'humain ne comprend pas, donc que l'humain ne contrôle pas. Si on parle de loi du karma, on va donc établir des lois qui font en sorte d'assujettir l'humain à elle, donc d'assujettir l'humain au karma. Ce sont des lois qui, à un moment donné, peuvent effectivement être démolies. Ce sont des lois qu'on peut surmonter, ce sont des lois que l'on peut contrôler. Donc, à un moment donné, l'humain parviendra à ne plus être assujetti aux lois du karma. Donc, il ne sera plus assujetti aux lois de rétribution. Sauf que, présentement, tant que l'humain est grosso modo contrôlé par son ego, donc contrôlé par sa mémoire, il est intimement relié aux lois du karma, ce qui va faire en sorte que l'humain consciemment, en tant qu'être manipulable et manipulé, une grande partie de sa vie va être assujettie à une manipulation karmique, c'est-à-dire que malgré que l'humain voudra, par exemple, aura des mécaniques mémorielles de manipulation vers la santé, vers l'évolution, vers la conscience, vers le plaisir, vers la joie de vivre, bien, en même temps, l'humain sera manipulé à cause de son karma à vivre des illusions, à vivre du malheur, à vivre du déplaisir, à vivre de ce genre de choses. Uniquement parce que l'humain ne connaît pas les lois du karma. Et quand on connaît une loi, on n'en comprend peut-être pas encore l'essence, donc on ne peut pas non plus la contrôler énergétiquement. Mais connaissant la loi, on peut au minimum parvenir à s'absoudre d'une grande partie d'événements de notre vie, donc de karma noir ou de karma négatif, qui finalement ne sont là que pour se payer le luxe d'être exprimés. C'est un peu comme tu connais la loi, c'est interdit, c'est illégal de passer sur un feu rouge. Tu arrêtes. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tu arrêtes. Alors maintenant que tu connais la loi, eh bien tu arrêtes. Et quand le feu est vert, tu passes. Tu auras probablement beaucoup moins de risques d'avoir d'accident. Et tu n'auras pas de contravention. Sauf qu'à un moment donné, on connaît la loi et on sait, un jour, on saura, on pourra revenir là-dessus un peu plus tard, on pourra expliquer pourquoi la loi, elle est là. Alors maintenant, la personne va comprendre qu'il y a un feu rouge et uniquement pour permettre à ceux qui passent sur la voie transversale de pouvoir passer sur leur feu vert. Maintenant qu'on sait ça, eh bien, à 3h du matin, quand on arrête sur un feu rouge et qu'il n'y a pas de trafic pour taper au milieu d'une campagne, eh bien, on peut maintenant passer sur le feu rouge sans risque d'accident. Tu vérifies s'il n'y a pas de Dunkin' Donuts près, parce que là, les risques de contravention augmentent en fonction de la présence de Dunkin' Donuts. Et puis tu passes. Connaître la loi, c'est au minimum ne pas avoir de contravention, en ce sens, dans le sens karmique, ne pas avoir de problématique karmique négative. Et connaître la mécanique qui sous-tend l'évolution d'humain, qui sous-tend sa présence sur le plan planétaire et qui va sous-tendre nécessairement tout ce qui va encarcaniser, restreindre l'ego de l'humain, ça va nous permettre à un moment donné d'être au-dessus de la loi. Donc le karma est rattaché toujours à l'ego seulement. C'est un karma, c'est astral. Karma, c'est astral, c'est mémoriel et c'est uniquement attaché à l'âme. Pas nécessairement aux égos, à l'âme. Et l'ego, c'est le centre de l'âme, c'est le foyer de l'âme. Et puis il y a des karmas, on a déjà eu des conférences là-dessus, qui étaient, quand il y a des karmas collectifs, des karmas individuels. Il y en a des blancs, des noirs. Est-ce que tu peux... Brun, rouge. Bleu pâle. Karma, je trouve. Peux-tu commencer par définir ce qu'est un karma individuel ou... Bon. La différence entre un karma individuel et collectif. Premièrement, un karma, qu'est-ce que c'est? Un karma, c'est un terme à rien. Non, ça ne mène pas à rien, mais c'est un terme à rien. C'est un terme sanskrit, un terme hindou, qui est retrouvable dans, pas le terme lui-même, mais sa définition. C'est une loi de cause et d'effet. Certaines personnes disent que c'est une loi d'action-réaction. Pas, c'est plus une loi de cause et d'effet que d'action-réaction. Je sais, tu vas me dire, bon, explique-moi la différence, ça, je ne la comprends pas, bon, mais c'est ça. N'empêche que c'est une loi qui est beaucoup plus de cause et d'effet. Hmm? C'est ce que je pensais. Oui, c'est parfait. C'est quoi la différence entre une cause et un effet? Une action-réaction? C'est une grande réponse. C'est une question qui m'a posé comme ça. Ah oui, ça, ouais. Pose pour toutes les questions qui te passent. Comme ça, on n'aura pas le temps d'avancer. La cause et l'effet, l'action-réaction, je vais revenir, si tu t'en rappelles, parce que ça va être un peu long, parce que premièrement, il n'y a aucune action possible dans le monde de l'homme, donc à partir de l'action-réaction est déjà une problématique. Alors si on parle de cause de karma, phénomène d'action-réaction, on parlera surtout d'un karma qui est totalement créationnel, donc qui fait en sorte que à cause de la création, l'humain paye le prix. J'ai bien fait de ne pas poser la question. C'est ça, je préférerais ça. Alors, dans une cause et des faits, c'est plus facile. Bon. Maintenant, si on revient au karma, on a par exemple, donc du point de vue hindou, ça va être si tu fais le mal, tu auras le mal. Si tu fais le bien, tu auras le bien. On a déjà vu dans une conférence antérieure que, en pratique, si tu fais le bien, il y a des fortes chances que tu bénéficies du mal. Et que si tu fais le mal, il y a des fortes chances que tu bénéficies du bien. On a vu que en pratique sur la planète, c'est surtout ça qui est exprimé. De ce fait, on a des individus qui font le bien d'une grande partie de leur vie et qui sont atteints d'une maladie cancéreuse incurable et qui ont un enfant qui va avoir des problèmes et qui a ceci, qui a cela. On peut parler d'une personne extraordinaire, géniale. J'ai une chance que je n'ai jamais été dans ses bas. D'ailleurs, j'ai même perdu son nom quelque part dans la brume. Mais c'est un bonhomme qui a écrit plusieurs livres au nom de tous les miens, donc c'est Martin Gré. Alors, au gré de la vie, il a souffert énormément. Et puis, c'est une personne qui, si on la regarde, on dit pourtant, c'est une personne qui ne méritait pas ça. Et c'est ce qui va faire en sorte que dans certaines religions, on va amener l'image du martyr. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? C'est quelqu'un qui ne méritait pas ça. Et ce sont des bonnes personnes. Mais on va dire à ce moment-là aussi que dans certaines facettes du karma d'une autre vie, on a été méchant une autre ouais, fois, ça, puis là, ouais, on paye ça, pas. On va revenir là-dessus. Il y a des choses qui sont vraies, puis 99% c'est faux. Sauf que ça permettait à l'humain d'accepter sa vie. Ça expliquait des choses, c'est ça. Alors, donc, karma, si on regarde dans la Bible, on a la même chose. Si tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Donc, celui qui fait le mal bénéficiera du mal. Dans la Bible, on a par contre un ajustement karmique. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, c'est fonctionnel, la loi est opérationnelle encore aujourd'hui. Ça va être, si tu fais un vol, je te donne 7 coups de fouet. Si toi, tu as vu que j'ai puni parce qu'il a fait un vol et qu'il a eu 7 coups de fouet, si toi qui as vu tu fais un vol, je te donnerai 77 coups de fouet. Ça veut dire que quand on est au courant d'une chose, la loi karmique s'amplifie, en bien ou en mal. Le karma, souvent, pour l'individu, c'est toujours quelque chose de mal, quelque chose qui punit. Dans un certain sens, du point de vue cosmique, c'est vrai. Chaque fois qu'on vous donne du bien ou du mal, on vient de vous acheter. On vous a récupéré. On vous désassujettit de l'état d'être votre seul maître. Vous appartenez au donneur, en bien ou en mal. Maintenant, donc dans la structure biblique, comme dans la structure indienne, hindouiste, comme dans la structure tibétaine, comme celle égyptienne, bref, partout, on a toujours eu la mécanique du karma, appliquée énormément dans l'Antiquité sous le nom de loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, œil pour œil, dent pour dent, c'est encore une vision négative du phénomène karmique. C'est-à-dire que tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing. Mais œil pour œil, dent pour dent aurait pu aussi se dire, œil pour œil, service pour service. C'est aussi la loi du talion. Sauf que l'être humain est assujetti à être manipulé depuis sa présence planétaire par des mécaniques d'évolution, des mécaniques des forces noires, qui refroidissent l'humain, qui refroidissent sa conscience. Les lois ont souvent été appliquées, toujours dans le même sens, coup de poing dans le nez quand tu fais le mal, et coup de poing dans le nez quand tu fais le mal. Quand tu fais le bien, pas de coup de poing. C'est un peu comme à l'école. Quand tu arrives toujours à l'heure, on ne le remarque pas, mais quand tu es en retard, on te punit. Ce qui fait que tu ne gagnes jamais à être bien, c'est neutre. Tout ce que tu gagnes, c'est qu'on ne te punit pas. Et les lois évolutionnaires de l'humain ont toujours été basées sur le même principe. Si vous suivez, on vous oublie dans la masse. Si vous faites des choses qui ne sont pas tout à fait juifs, catholiques, tibétains, musulmans, ces dieux-là s'arrangeront pour vous faire comprendre que vous devez suivre. Et le karma est une mécanique qui, effectivement, assujettit l'humain à toujours se limiter dans son avancement. Un être humain, par exemple, qui commence à se conscientiser, il ne décide même pas, commence à se conscientiser, bien, il va payer du karma. Il va payer un maudit paquet. Un être humain qui, subitement, se conscientisant, décide, prend conscience que plus il conscientise, plus il souffre, plus autour de lui ça va mal, alors il décide à un moment donné, tiens, je ne lis plus, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, je vais, au lieu de cela, prendre 3 bières par jour, plutôt que d'écouter une cassette ou lire un livre, je vais sortir dans des tavernes, je vais, tu sais, je cesse mon évolution. Bien, il y a un maudit karma qui va lui tomber sur le nez. Alors l'individu se dit, écoute, si j'évolue, je paye le prix, puis si j'évolue plus, je paye le prix. Je fais quoi? Vous payez du karma. Est-ce que c'est du karma individuel dans cet exemple-là ou du karma collectif? C'est tout le complet. C'est les deux. On fait partie de la collectivité puis on paye pour les deux. Pour pouvoir plus facilement répondre à tes questions, on va définir maintenant les différents karmas justement. Parce qu'il a déjà fait mon séminaire, mais il connaît des choses, puis bon, il oubliait plein, il a remarqué bien, mais quand même. C'est pour ça qu'il m'interviewe. Avoir su. Elle m'a fait mon séminaire. Ben, c'est ça. Alors, karma individuel, c'est un karma qui se rattrape, qui se rattache directement à l'être humain. Ça veut dire que quand vous... L'exemple le plus parfait, ça serait aller dans le métro, quand vous rencontrez une grosse personne assez bâtie, là, donnez-lui un beau coup de poing dans le ventre. Si vous en donnez un immédiatement, c'est un karma individuel. C'est un karma direct et... Je ne parle pas du direct, mais c'est un karma direct et un karma individuel. Vous mangez mal, vous serez malade. C'est un karma individuel, c'est un karma différé. Karma différé, ça veut dire que c'est un karma qui va prendre du temps à être exprimé dans la matière, donc ça va prendre aussi du temps à l'éliminer. Ça a un inconvénient, ça prend du temps à l'éliminer, ça a un avantage, on peut plus facilement le rectifier avant qu'il nous tombe dessus. Vous mangez trop de sucreries, vous aurez des problèmes dentaires, vous aurez des problèmes sanguins, vous aurez des problèmes peut-être même hormonaux, mais ça vous laisse un laps de temps pour changer. Karma direct, non. Karma différé, mais karma individuel. Maintenant, je donne un coup de poing dans le ventre de quelqu'un, lui, il me donne un bon coup de poing, puis en me donnant un coup de poing, moi, je revole sur 2 autres personnes. Ces 2 personnes-là paient ou supportent un karma collectif. C'est mon karma partagé avec eux. Alors, probablement que je me ferai moins mal. Eux se feront un peu mal. On partage le karma. Parce qu'il peut arriver, mon karma individuel peut continuer à grossir, l'une des deux personnes que sur lesquelles je viens de tomber n'aime pas ça, puis elle me donne un coup de poing. Là, je paie aussi un karma collectif. Je paie l'atmosphère sociale de notre société. Si on était dans une société de paix, aucune des deux personnes ne m'aurait refrappé. Dans une société où la violence peint au nez karmique de tout le monde, eh bien là, elle peut se défouler. La personne vient de s'engueuler avec son mari ou avec sa femme, elle vient de perdre son emploi, elle vient d'avoir ceci, elle vient d'avoir cela, je vais payer le prix. Karma collectif. Si je te suis, moi, quand tu frappes le gros, puis tu te penches, puis que c'est moi qui ai le coup de poing... C'est un karma collectif que tu vis. OK. Toi, t'en as pas eu de coup de poing? Non, mais j'aurai après ça à parler avec toi. OK. Si je suis capable de me relever. J'aurai un karma individuel qui sera quand même atténué par rapport au coup de poing. Bon. Mais ça peut arriver que tu, dans l'exemple, ça peut arriver que tu t'en sauves d'un karma que tu aurais possiblement mérité. Mais... Le karma sera probablement individuel, mais pas direct, qu'il peut être différé. Donc, est-ce que je m'en suis sauvé? Oui, tu peux l'avoir plus tard. C'est plus. Comme je mange plein de sucreries, je me brosse les dents, je m'en suis sauvé. Oui, mais même le temps entre le brossage et le fait que j'ai mangé, plus physiquement ce que ça va donner, pour être au niveau des dents, le karma peut être différé. Et c'est ce qui va faire que l'humain qui ne comprend pas et qui ne connaît pas la loi du karma aura de grandes difficultés à améliorer sa condition de vie parce que continuellement, il s'assujettit sans arrêt, il se fait ramasser sans arrêt par les culottes. Karma collectif, donc, c'est un karma où on touche tout le monde de devoir supporter. La pollution, c'est un karma collectif. Si lui fume, il y a un karma direct individuel, il s'empoisonne. Il y a un karma différé, il rétrécit sa vie et il se tue. Il y a un karma collectif. Si par la suite il a un enfant, l'enfant sera déjà un petit peu coloré par son karma. Donc l'enfant vivra un karma collectif. L'enfant vivant un karma collectif, lui va vivre un karma direct du karma collectif de son enfant. Il va donc payer parce que l'enfant paye pour lui. Parce qu'il fume en société, tous ceux qui doivent le respirer paient un karma collectif. Et parce que tout le monde supporte un karma collectif par sa présence, lui aura automatiquement un karma direct à payer. On ne lui pardonnera pas de fumer. Mais on ne sait pas. Inconsciemment, ça ne se fait pas. Ça ne se sait pas, puis il n'y a rien qui se passe dans l'apparence. Et là, on a donc, encore une fois, le karma direct, le karma différé, le karma individuel, le karma collectif. Maintenant, il y a le karma relatif. Le karma relatif, c'est le plus dangereux des karmas. C'est celui qui, techniquement, est le plus facile à éliminer et qui, pratiquement, est le plus compliqué. C'est le plus collant des karmas. Il a un autre nom que karma relatif. Ça s'appelle culpabilité. La culpabilité, c'est un karma que l'humain accepte de supporter en fonction de sa manipulation, en fonction de sa programmation, donc de son éducation. La culpabilité, c'est un karma qui n'appartient pas à un humain en particulier, mais lui peut décider en fonction de sa structure psychologique de payer cher ou de ne pas payer. Alors, à un moment donné, vous faites une saloperie, c'est-à-dire que vous prenez un peu d'alcool, et puis c'est pas juste ça qui est la saloperie, mais vous osez conduire une automobile, vous en allez sur la rue, et vous frappez une personne, puis vous lui sectionnez les deux jambes. Elle paie un karma collectif. Notre société accepte encore de vendre de la boisson, alors qu'on sait que la boisson n'améliore jamais la condition sociale. Ça donne l'impression, parce que ça camoufle des problèmes. Ça n'améliore pas la santé de donner un anesthésique à quelqu'un. Mais il ne souffre plus. Ça donne l'impression. Alors, socialement, il y a un karma payé pour ça. La personne qui se fait sectionner les deux jambes paye un karma collectif. Et où ça devient chier, la mécanique karmique, c'est que si on rencontre la personne puis elle dit « Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » On lui répond « Tu n'as rien fait. » « Mais qu'est-ce que c'est? J'ai quand même plus de jambes. » Oui, mais ça ne te regarde pas. C'est pas ton plan de vie, ça. Oublie ça, ça ne te regarde pas. Mais là, je suis en chaise roulante, officielle. Mais ça ne te regarde pas non plus. Ça, c'est la société, ça. Tu supportes un karma social. Et la personne va dire, oui, mais ça ne m'arrange vraiment pas. Non, c'est un fait. Ça arrange tout le monde. Parce que les gens vont... La tendance à la violence va diminuer un petit peu. Mais là, ce qui va arriver, c'est que toi, tu viens de frapper la personne, Tu rentres chez toi, tu as une poursuite karma direct ou karma différé, hein, dépendamment si dans un an ça va passer. Mais tout le temps que tu te culpabilises de la mécanique, tu peux te dire, oh ben, c'était comme ça, c'était bon. Petit karma relatif. Tu t'en remets plus jamais. Tu bois. Tu perds tout. Emploi, amis, famille. Tu as des cauchemars en revoyant l'accident. Karma relatif. Mais maudit karma relatif. Le karma relatif, c'est celui... Mais est-ce qu'on choisit ou on choisit pas de... Parce que tu dis dans le karma relatif, on décide si finalement on va en souffrir ou moins de l'événement. On décide jamais rien. Mais on est manipulé. Oui, mais le karma relatif, c'est celui que l'humain doit connaître en premier. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement, par auto-hypnose, par reprogrammation, par motivation, par instruction de notre ego, transformer le karma relatif. C'est le premier qu'on peut éliminer. Cessez de penser que vous êtes coupable, parce que de toute façon, l'humain est manipulé, l'humain n'est coupable de rien. Absolument rien. Quand on pense, par exemple, certains juifs pourraient se dire, se sentir coupables parce qu'à un moment donné, leur peuple a crucifié le Nazaréen. Ben même le Nazaréen, c'est ce qu'il a dit en dernier. C'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est un fait. Ben, bon, voyons donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une maudite belle raison à donner quand tu fais une connerie. Oui, mais elle est authentique. Mais ça ne fait pas en sorte que les individus répéteraient... deux, trois, quatre fois la même connerie. Parce que celui, dans ton exemple, qui frappe le piéton parce qu'il est en état d'ébriété, s'il se dit, bof, je t'ai manipulé, il va retourner à la jambe le lendemain soir, manipulé. Il va peut-être en frapper un autre. Eh oui, puis à un moment donné, ben, il va peut-être mourir dans un accident, il va peut-être se ramasser en prison à vie, il va peut-être se faire tuer par quelqu'un. Il aura de toute façon payé un karma. Moi, ce que je ne dis pas que ça nous donne le droit de faire n'importe quoi. Mais ça ne donne pas le droit à la vie de continuellement nous faire souffrir pour des choses, finalement, pour lesquelles on n'est pas responsable. Si vous auriez su, vous ne l'auriez pas fait, pourquoi on ne vous l'a pas dit? Pourquoi la personne, elle n'a pas eu une intuition qui faisait qu'à certaines demi-heures plus tard? Pourquoi vous n'avez pas un corps physique qui va absorber l'alcool sans être chaud? Pourquoi l'alcool existe? Vous ne l'avez pas inventé. Pourquoi vous avez une génétique, peut-être, qui vous attire vers l'alcool? Pourquoi vous avez été suffisamment faible pour accepter un verre de plus? Pourquoi vous? Bon, ben finalement, on peut s'en mettre des choses sur le dos. Si vous seriez parfait et parfaite, il n'y aurait pas de problème. On ne l'est pas. Est-ce qu'on a choisi d'être imparfait? Non. À partir de là, ça ne nous regarde même plus. Mais c'est évident que nous payons le prix que ça ne nous regarde pas. Et connaître la loi du karma, ça va faire en sorte, à un moment donné, que ça ne vous regarde pas ce qui vous arrive. Peut-être que vous pourriez vous arranger pour que ça ne vous arrive plus. Mais si ça ne vous regarde pas. Le karma relatif, c'est un karma pénible parce qu'à un moment donné, on a des personnes qui ont fait le séminaire et qui me posent des questions. Je les mets quand même en garde. L'involution, c'est extrêmement puissant. Quand une personne commence à se conscientiser, on va tout faire pour lui rentrer dedans. Pour qu'elle découvre qu'elle est sur le mauvais chemin, qu'elle a tort. Et comment on lui montre qu'elle a tort? Pas en lui montrant mieux, non. En bûchant dedans. Et ça a toujours été comme ça que ça a fonctionné. C'est un peu comme, par exemple, on est dans une religion, disons que c'est une secte, et là, vous voulez aller voir dans une autre secte. Moi, si je fais partie de l'évolution, je ne vous dirai pas, mais oui, va voir. Tu vas découvrir que tu es mieux ici. Si je fais partie de l'évolution, je vais m'arranger pour que vous n'ayez pas voir. Alors là, on mettra le diable, on mettra l'enfer, on mettra des individus pour aller vous casser les jambes, on mettra plein de choses. Et c'est ce que toutes les mécaniques religieuses, théologiques, sectaires ont fait, toutes les mécaniques qui assujettissent l'humaine conscience collective, donc finalement des karmas qui seront relativement collectifs, c'est qu'on va s'arranger pour bûcher. La personne, elle découvre à un moment donné qu'effectivement, il y a des choses qui lui arrivent, mais elle est de plus en plus puissante, ce qui fait que ces choses-là ne la dérangent pas. Alors, je les mets au courant qu'à un moment donné, ça peut être ton entourage qui va commencer à payer le prix de ton évolution. Ça veut dire quoi? Ton fils, à un moment donné, commence à se droguer. Pourquoi? Parce que le temps qu'il se drogue, ça t'occupe. Le temps que tu t'occupes de lui, ça t'occupe plus de toi, donc tu n'évolues plus, c'est impeccable. Ta femme commence à t'engueuler, alors qu'il n'y a jamais eu de problème. Tu perds ton emploi. La maison passe au feu. Il arrivera des choses. Et là, la personne, elle me dit, et je leur explique de temps en temps, parce qu'il y a des façons d'instruire l'astral, de ne pas agresser notre entourage, parce qu'on évolue. Il y a une personne qui me dit, OK, donc, moi, si je fais telle chose, il n'y arrivera jamais rien à mon enfant. Et c'est là qu'on doit faire attention. Si vous faites certaines choses, à cause de vous, il n'y arrivera rien. Mais il a son plan de vie à vivre. Alors, à un moment donné, son garçon, sa fille, a un accident et elle perd un bras. La personne qui se conscientise, immédiatement, peut se faire ramasser en maudit par un karma relatif. J'aurais jamais dû. Mais qu'elle aurait fait n'importe quoi, c'était le plan de vie de sa fille. Mais en tant que parent, on peut se l'imposer. Mais là, elle va avoir un karma relatif extrêmement puissant qui va totalement l'annihiler, qui va la faire souffrir. Pourquoi? Parce que le plan de vie de son enfant s'est accompli. Ça, c'était pas à cause d'elle, ça le regardait pas. Est-ce que quand tu fais ça, ça allège le karma individuel de l'autre? Même pas. Ça change rien. Ça. Non, parce que l'autre peut aussi être coupable du fait que tu te sens coupable. Puis c'est très, très, très amusant, l'évolution psychologique des karmas. Le genre karma, c'est pas nécessairement une quantité d'énergie ou de stress qui va être appliquée par rapport à un événement. Non, c'est l'alimentation astrale par le karma. En plus, ben, on prend votre énergie, on la siphonne, puis on vous empêche carrément de vous réchauffer. La culpabilité ne fait pas avancer l'individu. La honte non plus. Ça limite l'individu. Alors, on doit donc comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que le karma relatif, une personne peut s'en imposer un si elle ne comprend pas certaines mécaniques et elle peut en souffrir en maudit, alors qu'elle ne peut pas souffrir. Maintenant, il y a, à part le karma, il y a donc le karma, on va parler du karma des vies antérieures. Le karma des vies antérieures, c'est un karma qui dans une façon, vous regarde à 1%, et d'une autre façon, on peut vous regarder à 100%. Le karma des vies antérieures, dans la majorité des cas des êtres humains, c'est un karma qui les touche à peine. Pourquoi? Parce que c'est simplement, vous vivez dans une société qui découle de l'évolution historique du passé. Donc, karma des vies antérieures. On a une société qui a accepté, il y a 50 ans, de polluer. Vous êtes venu au monde après, puis peut-être que vous avez vécu, il y a 70 ans, vous avez conçu une société qui acceptait de polluer, vous venez au monde 30 ans, 40 ans plus tard, la société est polluée, karma des vies antérieures. Mais vous n'aurez pas d'accident à cause d'un problème des vies antérieures. On n'aura pas de maladie à cause des vies antérieures. On aura des maladies karmiques collectives, des maladies vénériennes, la tuberculose, des choses comme ça. Mais on n'a pas de maladie, par exemple, vous avez attrapé bronchite chronique, vous devenez emphysémateux, vous êtes cardiaque. Ça n'a rien à voir avec les karmas des vies antérieures dans le sens individuel. Vous êtes cardiaque, peut-être que vous payez un karma des vies antérieures. Le karma de votre lignée familiale. Ils se sont pourris le corps physique pendant 3, 4, 5, 6, 700 ans. Puis maintenant, il y a des cardiopathies qui vont apparaître. Il y aura un paquet de maladies qui sont finalement relativement génétiques qui vont apparaître. Ces karmas-là, on peut aussi les annihiler. Par manifestation, il faut avoir un contrôle différent. On passe là-dessus pour l'instant. C'est des techniques qui sont assez avancées. À ce moment-là, c'est plus un karma physique, donc génétique, qui n'est pas réellement relié à l'astral. Non. Il est relié à l'astral aussi. Pourquoi? Parce que c'est ta psychologie qui va finir par développer l'incidence que tu aurais d'attraper une pathologie génétique. On ne parle pas de maladies congénitales que tu as à la naissance, là. On parle des maladies que tu peux développer en allant. Par exemple, vous avez un caractère récessif, une cardiopathie, maladie cardiaque, et à un moment donné, elle devient dominante, vous l'avez. Bien, ça dépendra de ce que, astralement, psychologiquement, s'est passé chez nous. Des stress qu'on a eus, karma relatif, bien souvent, les peurs, etc. L'autre karma des vies antérieures, c'est le karma des mécaniques réincarnationnelles. C'est celui qui est le moins connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez digérer des mémoires réincarnationnelles qui viennent du passé. On pourrait se référer à des conférences que j'ai faites dernièrement sur la réincarnation, on a fait un mois de temps. Et à un moment donné, il va arriver que vous allez vivre des karmas, des choses qui n'ont pas été réglées. Moi, je suis assis à une table un jour, et je sais que je réincarne des mémoires d'un personnage particulier. Je connais sa vie plus que les historiens. Je connais l'endroit où il a vécu, je connais toutes les personnes qui l'ont côtoyé, je connais ses ennemis, je connais ses amis. À un moment donné, je suis assis à une table et puis on discute. Et progressivement, la personne avec qui je discute, une personne avec laquelle je suis totalement télépathe, donc je suis en sympathie, mais je suis en énergiopathie, je m'entends bien. Mais progressivement, lentement, il y a quelque chose qui vient s'implanter entre nous deux. Un petit filtre très, très, très, très diaphane au départ, qui progressivement devient opaque, devient de plus en plus épais, de plus en plus rigide. Après un an, on en est rendu à se parler continuellement avec une puissance mentale très élevée, parce que sinon, c'est une guerre d'ego. Et on vibre toujours autant, mais on sait que maintenant, il y a un danger, chaque fois qu'on se rencontre, danger d'engueulade, et même danger de conflit plutôt plus puissant que ça encore. Il y a un maudit problème. Alors, après réchauffement, on regarde ce qui arrive. Et puis là, ben, je vais lui dire simplement, écoute, toi là, tu réagis avec moi, puis ça me fait penser à quelqu'un que j'ai déjà connu dans le passé. Puis lui, il va me répondre, c'est une personne qui est très avancée aussi, elle me répond, oui, bien une chose qui est évidente, c'est que je suis convaincu de savoir qui tu penses que je suis. Puis si c'est ça, c'est évident qu'on s'engueule. J'ai détruit ton foyer, j'ai détruit tout ce que tu avais créé, j'ai détruit tes meilleures amitiés, puis j'ai encore la même énergie. J'ai une énergie où quand je vois que tu fais un problème, il me disait ça à moi, même si c'est pas grave, faut que je le révèle. La dernière fois que j'ai révélé un problème, ça a tout démoli, ça a démoli un pays au complet. Ben, je lui explique, c'est exactement ça. Je donne le nom, c'est exactement ce qu'il voit. Fait que là, j'ai dit, écoute, ça c'est dans le passé. Bon, ben, vraiment, on a réglé. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucun problème. Là, on était en train de payer un karma par processus réincarnationnel, un karma de vie antérieure, puis là, intimement relié, on ne parle pas de 1%. Il y a des individus qui, à un moment donné, m'ont rencontré et qui ont été des vecteurs de réincarnation, de mécanique, des réincarnations circulaires. Qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui, à un moment donné, s'approchent de moi, tout va bien, puis subitement, je ne peux plus les voir. Pourquoi? Parce que ce qu'elles réincarnent a toujours travaillé contre moi. Alors, à un moment donné, la personne, elle paie un karma. Pourquoi? Parce qu'elle, énergétiquement, elle veut être près de moi. Et en même temps, chaque fois qu'elle est près de moi, elle est mal près de moi. Et moi, je la coupe, elle n'est plus près de moi. Et parce que je le vois, réincarnation circulaire, c'est une réincarnation qui se promène, qui vient chercher un individu, qui le manipule. Quand c'est réglé, ça sort, ça va prendre un autre individu, puis ça recommence. Dernièrement, on parlait d'une réincarnation, il y a plusieurs femmes qui subitent. Souvent, ils cherchent des mémoires dans le genre. Oui, mais moi, je ne me rappelle pas un pays où j'ai vécu, je ne me rappelle pas un personnage, je ne me rappelle pas une époque. Non. Mais tu agis, quand tu es en colère, exactement comme ton arrière-grand-père ou grand-mère. Okay? Souvent, les individus, quand ils recherchent des réincarnations chez eux, c'est toujours en fonction d'une image photographique, un film. Non. Émotivement, vous réagissez comme les Romains, ceux qui aiment faire les orgies. Émotivement, on réagit comme, sexuellement, il y a des choses qu'on va faire, que ça fait, on n'a pas inventé ça. Alimentairement, on n'a pas inventé ça. Alors, quand on parle de mécanique réincarnationnelle, c'est tout ce qui fait en sorte que lui-même, psychologiquement, agit de telle ou telle façon. Oui? C'est ces mémoires-là qu'on transporte de génération en génération, qui continue à nous faire payer du karma. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça cesse? Comme dans l'exemple que tu disais tantôt, s'il y a une réincarnation circulaire, puis qu'il y a un personnage qui se promène d'un individu à l'autre, est-ce que ça se promène, et que ça fait payer du karma toujours à tout le monde? Ça, on peut éliminer ces karmas-là facilement, nécessairement, on va voir comment. quand je dis facilement, c'est facile à dire, c'est pas long à appliquer. Faut prendre son corps puis bouger, par exemple. Faut avoir de l'énergie mentale. Et ça, ça se développe aussi, c'est pas un gros problème. Puis si on réincarne notre grand-père, notre grand-mère, la même chose. C'est ce qui va arriver. Par exemple, vous avez peur de vous, quand vous voyez du sang, de vous tomber dans les patates. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est endocrinien? Est-ce que c'est ADNique, relié à l'ADN? C'est pourquoi vous tombez dans les patates quand vous voyez du sang? Bien, justement, peut-être que psychologiquement, vous avez des engrammes, des formes mémorielles qui proviennent de plein de choses. Peut-être que vous avez des mémoires incarnationnelles de personnes qui en ont perdu du sang, qui en sont morts souvent. Alors, nécessairement, quand vous voyez le sang couler, vous faites une projection inconsciente, c'est la vie qui s'en va, puis immédiatement, vous tombez en choc psychogénique, perdez connaissance. Comme si vous aviez un choc hypovolémique, manque de sang. Donc, un individu qui vomit quand quelqu'un vomit, ben, il se passe quoi? Il y a eu une époque, je dis pas ça pour... écoute pas, lui, il est fragile là-dessus. Il y a eu une époque où c'était... Parce qu'on nourrissait le monde avec ça. Bon, c'est ça, là, ça. Voilà. Yes. Est-ce un autre exemple? Alors, donc, quand je parle de réincarnation, de mort réincarnationnelle, c'est pas toujours j'ai été Napoléon, c'est pas ça du tout. Pourquoi vous agissez comme vous agissez psychologiquement? Hein? Pourquoi vous êtes le genre d'individu qui chiolait quand il pleut? Et tout le monde chiole quand il pleut, mais c'est ça. Vous réincarnez du monde qui a toujours chiolé quand il pleuvait. Pourquoi vous êtes le genre d'individu qui aimait la forêt? À vous décider. Pourquoi? Voilà, tout ça, ça constitue l'humain. Et à travers tout ce qui constitue l'humain, il y aura des réincarnations. Il y aura des karmas réincarnationnels. Mais quand c'est quelque chose qu'on identifie présentement, en ce sens qu'à un moment donné, on commence à changer d'attitude psychologique, faire attention, là, on peut parler d'un karma des vies antérieures plus puissant. Sinon, en grosso modo, c'est un karma cumulatif de l'expérience qu'on aura eue dans notre vie, un karma qui est différé, qu'on doit maintenant supporter. Là, tous les karmas que tu as mentionnés depuis le début s'appliquent... Est-ce qu'ils s'appliquent parce que de la façon dont tu le dis, ça semble tout être négatif, mais tu as déjà dit qu'il y a des karmas blancs, il y a des karmas noirs. Est-ce que c'est vrai dans les deux sens? Est-ce qu'on peut attirer du karma blanc de réincarnation aussi, puis du karma positif de façon réincarnationnelle? Oui, maintenant, karma blanc, c'est toujours quelque chose, il faut faire attention. Un karma blanc, c'est un karma qui est moins noir. Bon. Fait que c'est pas blanc, blanc, blanc. Pour un ego, c'est difficile à comprendre. Vous gagnez 1 million à la loterie, c'est un karma blanc. Autrement dit... Ça, c'est facile à comprendre. On vient de vous... Oui, non, c'est difficile à comprendre parce que l'ego est tout content. C'est un karma qui est moins noir. Ben oui, non, j'ai gagné 1 million à la loterie. On vient de vous ramasser par les culottes. Faut être puissant en maudit en tant qu'être humain pour gagner de l'argent comme ça. Pourquoi? Parce que probablement qu'une personne qui gagne 1 million, je donne un exemple. Une personne, elle se dit, moi, ça fait 2 ans que je vais faire le séminaire de Daniel Kiem, mais j'ai pas assez d'argent. Puis quand j'ai réussi à ramasser 225$, il le montait à 350, tu sais, pas plus. Là, vous venez de gagner 1 million de dollars. Allez-vous faire le séminaire de Daniel Kiem? Non. Pourquoi? C'est bien d'autres idées. On vient de vous ramasser. Si vous auriez eu à le faire, je ne dis pas qu'il fallait le faire, parce que je donne un exemple. Alors, on vient de le ramasser complètement. La personne se dit, je vais suivre des cours d'anglais parce que ça développe la conscience, ça fait ci, ça fait ça. Puis en même temps, au niveau du travail, peut-être que, pouf, gagne 20 millions. Est-ce qu'elle suit un cours d'anglais? Probablement pas. Alors, quand je dis le karma blanc, c'est un karma qui, c'est bizarre. C'est parce que ça manipule de toute façon, ça va manipuler ta vie autrement. Mais tu dis tout le temps qu'on est manipulé de toute façon. Est-ce que savoir qu'on est manipulé en gagnant 1 million va changer quelque chose à notre vie? On va-tu pouvoir jouer avec ça? C'est comme si tu as une grue qui peut lever... Chaque fois que la grue ramasse quelque chose, elle lève comme si ça pesait 100 tonnes. Alors, quand tu mets une affaire qui pèse 25 livres, ben, elle garoche sous le plafond. Elle a passé ses 100 tonnes à tirer. Elle est manipulée par celui qui dit « lève, baisse ». Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on rajoute des boutons. On rajoute des niveaux. Ça reste la programmation. Maintenant, tu peux lever 10 tonnes, 20 tonnes, 50 tonnes, 75 tonnes, 100 tonnes. Alors, on met quelque chose qui n'est pas trop pesant, on pèse le bouton d'itone. Ça revole moins fort. Ça reste manipulé. Mais parce que, comme en venant d'une conférence ou en ramassant de l'information partout ailleurs dans sa vie, parce que l'on ramasse de l'information, on vient mettre des éléments dans notre structure de programmation, ce qui fait que, par la suite, la vie est totalement changée. Vous allez voir un film, tout votre avenir est totalement changé. Là, quelqu'un peut dire, oui, mais j'ai peut-être été manipulé à aller voir le film. C'est vrai. Sauf que ce qui maintenant est chez vous va nécessairement faire en sorte que ceux qui vous manipulaient avant n'auront pas les mêmes résultats que si vous n'auriez pas vu le film. Ce sera la même chose pour un événement. Vous aimez conduire une automobile, un jour vous avez un accident majeur. Après ça, vous n'êtes plus capable. Ben oui, mais ce qui manipule avant ne donne plus le même résultat. Pourquoi? Vous avez des éléments nouveaux dans votre mémoire. Donc, un assistant de conférence, par exemple, sur la mécanique karmique, bien nécessairement, il y a des fortes possibilités que par la suite, plusieurs individus soient manipulés à s'en sortir. Quand je parle s'en sortir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être heureux. L'humain n'est pas sur la Terre pour être heureux. Ça ne veut pas dire être en paix. L'humain n'est pas non plus sur la Terre pour être en paix. J'espère que vous l'aviez remarqué, hein? Bon, on a assez travaillé pour ça. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut être en paix pour avancer. Qu'on peut être heureux pour avancer. Mais ce n'est pas le but, puis on ne l'aura jamais en tant que but. Pose une question, je tousse. OK. Ça peut être un outil, ça peut être un chemin, pas un objectif. Fait que c'est un effet secondaire. Être heureux, c'est pas un but. Absolument, c'est un effet secondaire. Autrement dit, vous évoluez-vous, vous changez-vous, vous devenez un peu plus votre seul maître, donc vous devenez de plus en plus centré dans votre intelligence, de moins en moins assujetti à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, bien nécessairement, en résultat secondaire, progressivement, va se dessiner un halo qui va ressembler à un bonheur ou à une paix. Et où on va vous ramasser, c'est par le karma. Commencez à être bien, puis là, vous allez dire, « Ouais, mais moi, je suis bien, mais ma mère, elle ne supporte pas que je sois de même. » C'est ça. Là, vous allez commencer à payer le karma de votre mère. Vous allez vous interdire d'être bien parce que l'autre est mal de vous voir bien. Et ça, c'est toute la problématique de l'évolution. Il y a tellement d'individus qui arrêtent, sont manipulés à bloquer, à cesser et à payer des karmas. Ça, vous allez comprendre une chose ce soir. Plus il y aura d'humains qui vont ramasser du karma, plus il y aura d'humains qui seront libérés du karma. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a des pays dans l'hémisphère sud qui aimeraient bien manger un peu plus que bon. Ils ont des ouragans, ils ont des famines, ils ont des guerres sans arrêt. Pourquoi? Pour que vous, dans l'hémisphère nord, puissiez avoir la paix. Et la majorité de tous les conflits vont se passer au sud de l'équateur. Bon, alors la drogue vient de là, mais tous les pays, on parle au niveau de l'équateur et en descendant, sont des pays qui ont de gros problèmes. L'hémisphère nord va bien, l'hémisphère sud va mal. Pourquoi eux supportent notre karma? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un exemple, au Québec, plus il y aura d'individus qui vont accepter de payer des karmas qui ne leur appartiennent pas, mieux moi je vais me porter. C'est ce qui arrive dans les familles aussi. On a dans une famille une personne qui réussit, puis 4-5 autres qui disent autres, c'est ça. Ceux qui vont mal, qui ne comprennent pas, bien eux supportent un karma des lignées familiales pour permettre à l'autre individu de monter. Et là on va dire, oui, mais c'est injuste. Je le répète, il n'y a jamais eu de justice dans le plan de Dieu, il n'y a jamais eu de justice sur la terre, puis il n'y en aura pas avant, tant que l'humain ne sera pas son seul maître, il n'y en aura pas. Ça ne s'implante pas naturellement. La justice ne fait pas partie des mécaniques de la nature. Alors, on a le plus beau des chevreuils, bien, s'il y a un loup qui a faim, qui passe par là, va le ramasser. Fini là. Puis après le loup, après avoir tué le chevreuil, à peine s'il l'a bouffé, il se met une patte dans un piège à loup, puis il meurt dedans. Alors on se dit, ben merde, il aurait pu se pogner puis laisser le chevreuil. Il le tue pour rien, le chevreuil. C'est ça, la nature. C'est l'harmonie, c'est la beauté. C'est ça. Bon. Alors, la justice, on ne la cherche pas ni dans le règne de l'homme, ni dans le règne de la nature, il n'y en a pas. Vous savez, un volcan, c'est un spectacle extraordinaire. Quand vous n'êtes pas en dessous de lave. Sur la vidéo, c'est plus beau. C'est ça. Oui. Un tremblement de terre, là, c'est un massage absolument merveilleux quand vous êtes couché dans un bon lit. Tant que le lit descend pas au sous-sol. Bon. Alors, justice, beauté, ce sont des concepts amenés par le mensonge cosmique, par les implants astrales qui ont été placés chez l'homme au départ pour que l'humain accepte une condition qu'il ne mérite pas. Maintenant, on revient encore à notre karma. Donc, accepter, souffrir pour autrui, pour commencer à éliminer désassujettir karmiquement, de comprendre les lois. On va passer rapidement sur les lois, c'est-à-dire que vous allez comprendre l'idée, mais je ne sais pas si tu vas être capable. C'est une bonne question. Ça, donne-moi des exemples de mécanique quotidienne de la vie, puis je vais te dire si c'est karmiquement bon ou mauvais. Une crevaison. Non, c'est pas ça. Quelqu'un a une crevaison, tu vas l'aider. Tu sais, donne-moi un événement où tu agis. Eh bien, si quelqu'un a une crevaison, puis je vais l'aider. C'est un bon exemple, c'est un bon exemple. Qui a un karma? Lui ou moi? C'est moi qui l'aide. Non. Très bon. Première chose, on ne se pose jamais la question qui a un karma. C'est-tu lui? C'est-tu moi? Est-ce qu'il faut l'aider? Est-ce qu'il ne faut pas l'aider? Tant que tu auras trouvé, là, il va être parti. OK? Parce qu'on ne doit pas compliquer sa vie avec la philosophie. Une philosophie, si c'est utile, une philosophie uniquement, pas une philosophie de salon, uniquement si c'est applicable. Autrement dit, ça peut arriver soit en mémoire d'intervention, immédiatement, ou simplement en spontanéité. La philosophie, elle est là pour reprogrammer l'ego, pour permettre à ton intelligence de traverser sans être freinée. La philosophie n'est pas là pour remplacer votre intelligence. Comprenez-vous? Donc, on ne se pose pas la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, il pleut, je vais-tu, je vais-tu pas, est-ce que... bon. Alors, repose-moi la question. Je fais faillite. Non, c'est pas je fais faillite. C'est un karma. C'est pas ça que je veux, il n'a pas compris. Je vais recommencer. Non, je commence. Ce que je veux que tu me donnes, c'est... Un exemple dans le quotidien, je fais faillite hier, ma femme est morte après-midi, qu'est-ce que... Oui, mais c'est pas ça que je veux, moi, là. Moi, c'est dans le terme d'action, vas-tu ramasser un karma et non pas telle affaire, c'est quel karma. OK, ça va. OK? Ma lampe est brûlée, tu me la remplaces. As-tu un karma à faire ça? OK. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi? Parce que toute votre vie, vous bougez. Toute votre vie, vous allez rendre service. Vous allez vous faire rendre service. Est-ce que c'est karmique ou non, commun? On emprunte, on prête. C'est comment ça fonctionne? Je rencontre quelqu'un, quelqu'un me rencontre à un moment donné, puis me serre la main. Est-ce qu'il y a un karma, ça? Voilà. Okay. Ne répète pas tout ce que je viens de dire. Je suis payé pour rendre un service. Est-ce qu'il y a un karma? Si c'est je rends mal mon service, tu ne rends pas un service. Si je rends mal mon service, est-ce un karma? Bon, voilà. Si tu es payé pour rendre un service, que tu rends mal ton service, tu t'assujettis, tu deviens l'esclave dans l'astral de l'autre. Tu es donc karmiquement assujetti, tu as une redevance. Et on va dire, oui, mais peut-être je ne le reverrai plus jamais. Non, mais tu as une dette sur le dos régulièrement, ce qui fait que c'est toujours un peu comme si, moi je téléphone à une banque, puis je veux savoir si vous êtes facilement solvable, puis on me répond non, il doit 20 000 à une banque. Mais je demande dans quelle banque, et la personne me répond, ah, c'est une banque qui a fait faillite. Donc, tu ne le devras jamais. Mais moi, je sais que tu dois quand même 20 000. Tu n'es pas solvable. OK? Ton karma te nuit quand même si tu ne pourras jamais le remettre à l'autre. Et sans de comprendre la mécanique. Vous faites une connerie, puis vous ne le revoyez plus jamais. Ah, il n'y a aucun problème. Non, parce que astralement, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que des individus qui pourraient s'accoler à vous, puis inconsciemment, non. Karma, tu payes pour, là. Alors, on t'a payé pour rendre un service, tu le rends mal, c'est karma négatif, tu vas devoir payer pour. Continue. OK. Mon fils a besoin d'argent, j'en ai pas beaucoup, je lui laisse quand même. Est-ce que j'achète son karma? Bon. Ton fils a besoin d'argent. Oui, premièrement, si ton fils, ça dépendra énormément de pourquoi, puis effectivement, il y a des chances que si tu prêtes de l'argent à ton fils qui en a besoin, disons, pour payer une dette, tu viens d'acheter son karma. Tu soulages ton fils, puis tu payeras son karma. Si ton fils a besoin d'argent, par exemple, pour quelque chose qui est intelligent, en lui fournissant, tu achètes son intelligence énergétiquement. Donc, évidemment, il ne vole pas son intelligence à lui, mais dans l'énergie, ce qui fait que là, tu fais avancer un karma blanc. Tu continues? Et là, on va en faire plusieurs pour que vous compreniez comment ça se passe. Où on se fait ramasser, où on se fait moins ramasser. Bon, disons que j'ai un ami qui veut que je veux aider à prendre sa retraite et je le force à faire un investissement avec moi. Pour le rendre riche, lui. Tu auras un karma négatif à 100%. Pourquoi? Parce qu'il vient de s'immiscer dans la vie d'un autre. Il le force à prendre sa retraite. L'autre, il doit faire ce qu'il a à faire. Il a son plan de vie. On ne doit pas, et c'est la même chose pour moi, les gens qui me demandent des conseils, je ne leur en donne jamais. Il y en a qui ne m'aiment pas pour ça. Moi, j'aime autant ça. Vous restez libre de ce que vous êtes. Puis à un moment donné, vous devrez apprendre à vous-même. Vous décidez pour vous. Quand vous aurez la capacité de vous centrer réellement dans votre intelligence, là, c'est un peu la même chose. Tu viens de t'immiscer dans la vie de quelqu'un. C'est pas ça. Donc, karma noir. Il devient millionnaire. Il s'en sort. Qui fait faire de l'argent? Karma noir. Pour moi, c'est un karma noir quand même. Oui. OK. Il devient millionnaire dans ton exemple et puis il me donne 200 000 $. Est-ce que là, c'est un karma noir? Tu ne devrais jamais accepter le 200 000 $ parce que là, tu continues à obscurcir ton karma. Ah, il sera mort riche et heureux. Puis sa vie aura servi à rien. Il va devoir revenir. Sans richesse, sans bonheur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reparte à zéro. Il ne payera pas le prix, mais il fera, bon, karma noir. On ne doit pas fonctionner comme ça. Il y aura des façons de s'arranger pour peut-être le prendre de 200 000. On pourrait revenir. Continue. Dans le même sens, mon arrière-grand-tante décède, puis elle me lègue un testament, un don. Je l'accepte. Bon, si tu acceptes un testament, si tu acceptes ce que quelqu'un t'a donné, un legs, tu ramasses en grande majorité du karma noir. Son karma à elle? Son karma à elle. Elle va continuer à descendre, elle se réincarne chez toi pour progressivement diriger ta vie. Tu vas payer le karma de la personne qui te lègue. Il y a encore une façon de recevoir un lègue sans problématique, on pourra revenir. Continue. Je frappe quelqu'un sur le bord de la route parce que je suis en état d'ébriété. Bon, tu frappes quelqu'un sur le bord de la route. Dans tous les cas, état d'ébriété ou non, tu as un karma noir. Si je ne l'avais pas vu, puis il saute devant l'auto. Karma noir. Quand même. Quand même. Il veut se suicider, puis il saute devant l'auto. Karma noir. Sautez pas devant mon auto. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi il a un karma noir. Parce que lui, et la majorité d'entre vous, vous auriez un karma noir, même si la personne se jette devant votre automobile. Pourquoi? Parce que lui, donc la majorité d'entre vous, c'est la même chose, parce que lui a suffisamment d'informations jusqu'à date depuis qu'il est au monde, de ce qu'il doit faire pour développer son champ d'énergie vitale, sa conscience vitalique extérieure. Et il aurait dû freiner et ne jamais toucher l'individu. Et il a eu toute une partie de sa vie pour développer et apprendre cela. Il ne l'a pas fait. Il était manipulé, soit il paye un karma quand même. Et c'est le maudit problème, c'est que vous venez d'une conférence, vous apprenez des choses, vous ne mettez pas en pratique, c'est pas 7 coups de fouet, c'est 77. Tu n'es plus au courant de rien, tu frappes un suicidaire, karma gris, presque blanc, presque neutre. Tu es au courant de ce que tu as appris des choses, tu aurais pu développer des choses. Être plus attentif au volant, mais jamais concentré. Parce qu'être concentré, c'est être attentif sur une chose. Être attentif, c'est être concentré sur tout. Tu aurais pu intuitivement savoir qu'il y a plein de choses qui se seraient passées si tu aurais été un vrai être humain ascendant, si tu aurais appliqué. Et vous savez que vous mettez un an d'énergie de votre vie, tout le reste, au yard. C'est le cas de le dire, ça s'en va là. À appliquer. Puis vous mutez comme si vous auriez vécu probablement, sans exagérer, entre 600 et 900 ans. Ça veut dire que la non-application de ce qu'on a entendu ou compris, c'est ça le pire karma? C'est pas le pire karma, c'est la loi, c'est la mécanique qui nous en amène le plus. On continue. On va en trouver plein. Donne-moi des exemples. Oui, mais là, celui-là, il m'a accroché. Qui t'a frappé tout à l'heure? Qui j'ai frappé sur le bord de la route? Un enfant, 7 ans et demi. C'est-tu pire, le karma, ou c'est moins pire? Le karma relatif! Ça peut être pire, parce que vu que c'est un enfant, pour ton ego, c'est pire, donc le karma relatif embarque en plus du karma. Mais sinon, c'est pas pire. Fait que frapper un enfant, un adulte, un vieillard, quelqu'un qui doit mourir, changer... On parle juste du corps physique. L'enfant, il a 7 ans et demi, Puis il y a des personnes ici qui ont 63 ans et ils ont 425 ans, disons, de conscience de vie. Puis l'enfant de 7 ans et demi avait 2247 années. Bon, ce qui fait qu'en partant, il est beaucoup plus vieux. Tout est relatif. Pas juste le karma, l'âge aussi. Alors, on continue. J'attends. Et ça va le chercher. Oui. Je vais essayer de trouver des exemples moins dramatiques. Relatif. Je suis transparent avec mon épouse. Elle me quitte. Est-ce que c'est un karma? Oui. Et c'est bon. Être transparent, ça veut dire être laisser totalement couler notre spontanéité au travers de nous, tout en la réglant par l'intelligence. Par exemple, je suis spontané, je donne une claque à quelqu'un, c'est pas d'intelligence. Je suis libéré. Être transparent, c'est être désinhibé. Et nécessairement, il y a le processus de l'intelligence qui vient gérer ça, l'esthétisme. Alors, il est transparent avec sa femme, c'est-à-dire qu'il lui dit convenablement certaines choses qui sont claires. Bon, ce soir, je sors. Est-ce que je peux sortir avec toi? Non, j'aimerais bien aller marcher tout seul. J'ai le goût d'aller voir un film tout seul. Écoute, on pourrait aller en couple. J'ai pas le goût d'être avec toi ce soir. C'est être transparent, ça. C'est simple et clair. Là, sa femme, elle s'en va. Tu as un karma négatif. Donc, quoi? Appliquer les règles, c'est pas nécessairement se débarrasser du karma, d'abord. Un instant. J'ai un karma négatif. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut qu'on voit comment continuer à vivre. Moi, c'est un karma positif. Pourquoi tu as un karma négatif? Parce que tu n'étais pas ajusté à l'autre. Autrement dit, tu lui as donné un coup de poing plein visage. Et c'est la même chose. Le visage astral, le visage physique, c'est la même chose. Alors, il y aura un karma négatif. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il faudra qu'on comprenne quelque chose. Vous avez un appendicite aigu. S'il y a une rupture d'appendicite, vous allez mourir d'une péritonite, ce ne sera pas long. Donc, on doit vous opérer. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe le corps physique, karma noir. On ouvre, on coupe l'appendice, on l'élimine, on recoue, karma très noir, enflure, problématique, etc. Et par la suite, mauditement mieux que si vous auriez gardé le karma noir de l'appendice. Ce qui va faire en sorte que de temps en temps, vous allez devoir faire quelque chose qui va vous rapporter des problèmes. Ces problèmes-là sont drôlement plus blancs que le reste de votre vie. Parce que c'est à très court terme, mais après ça, on peut bénéficier de... Alors, être transparent, ça ramène un karma noir. De temps en temps, ben c'est sûr, ben merde, je m'en fous, je veux rester transparent. Continue. Dans le même sens... Dans tous les sens. Dans tous les sens, à gauche, à droite. Oui, oui. Je donne ma façon de penser au professeur d'un de mes enfants, puis... expulse de l'école, parce que j'ai voulu intervenir dans la façon d'éduquer. Ok, tu supportes ta façon de voir les choses. Alors tu rencontres un professeur, tu lui expliques comment il devrait enseigner, disons, puis lui, il met ton fils ou ta fille à l'extérieur de l'école, béni. Tu ramasses un karma noir. Et c'est juste des noirs que je ramasse. Pourtant, je ne suis pas raciste. J'aimerais ça ramasser des blancs de temps en temps. Comment on fait pour ramasser des blancs? Comment on fait pour ramasser des blancs maintenant? Je continue. Donne-moi des exemples. OK, comment je fais? OK, j'ai mon voisin qui passe au feu, puis je... Tu peux donner les mêmes exemples que tu m'as donné, hein? Mon voisin passe au feu, puis je sors son fils de l'incendie, de la maison. Karma noir parce que tu t'es mis ça dans la vie de quelqu'un? Le plan de vie de l'enfant était peut-être de mourir. Ah bon. Et tu ramasses énormément de karma blanc. Pourquoi? Bon, premier karma noir, tu déranges le plan de vie de quelqu'un. Deuxième karma noir, cet enfant-là te doit la vie. Il t'est donc redevable. Tu viens de te créer un esclave dans l'astral. Il est handicapé pour une partie de sa vie parce qu'il doit une part de sa présence à quelqu'un. Antiquement, c'était pas compliqué. La personne qui venait de se faire sauver devenait l'esclave de l'autre. C'est que je serais pas là sans toi. Fait que maintenant, je peux bien vivre pour toi. Mais astralement, c'est ce qui se passait là. C'est appliqué dans la matière. Alors maintenant, karma blanc. Karma blanc. Tu rentres dans la maison, tu sors l'enfant de là. Si tu ne sors pas l'enfant parce que c'est un enfant, Mais tu sors simplement l'être humain qui est là simplement pour économiser de l'énergie. Ça demande moins d'énergie à la nature de donner ce qu'il faut pour le sortir que d'en recréer un autre. Tu ramasses presque plus de karma noir. Si, une fois que tu as sorti l'enfant, ça fait bizarre, je te donne un exemple. Une fois que tu as sorti l'enfant, tu le mets sur le bord du trottoir, et puis tu l'abandonnes là, tu rentres chez vous. Tu n'en occupes plus. Tu rentres dans ta maison, tu fermes les stores, tu ouvres la télévision, tu regardes un film. Là, tu ramasses à peu près uniquement du karma blanc. Si tu vas t'inventer à tous tes chums? Tu ramasses uniquement du karma noir. Il faut être capable de conserver ça. Oui. Tu redonnes les exemples que tu as donnés tout à l'heure. OK. Je reviens avec mon épouse avec qui j'étais transparent puis qui est partie. Karma noir. Maintenant, avec ton épouse, tu lui expliques simplement que ce serait qu'il faut que tu ne peux plus ou de moins en moins vivre en étant continuellement menteur envers toi-même puis menteur envers elle-même. Tu lui expliques que tu l'aimes d'une façon de plus en plus différente, comme avant, mais sur d'autres niveaux, plus qu'avant, à un point tel que maintenant tu l'aimes tellement que tu ne peux pas lui mentir. Elle va être barbouillée d'enthousiasme. Et à un moment donné, tu lui dis, écoute, ce soir, je pourrais te compter un paquet de menteries, mais j'ai le goût d'aller me promener tout seul, j'ai pas le goût qu'on soit ensemble. Alors, elle, si elle n'est pas transparente, elle va immédiatement penser que tu sors avec une autre, que ceci, que cela, que cela, que cela, parce qu'une personne qui est transparente, c'est automatiquement que l'autre est réel. Si elle ne l'est pas, automatiquement elle projette, elle ne peut plus voir la transparence de l'autre. Et toi, tu vas bouger comme tu vas le faire en lui disant simplement, c'est comme ça que ça va se passer à partir de maintenant, quand je le vis, je le vis. Si tu as des raisons pour que je reste, je peux rester. Ta femme, elle dit, « T'es un maudit salaud! » Ça, c'est pas une raison pour que je reste, c'est une raison pour que je parte. Si tu sors tout seul, quand on va venir, je serai plus là. C'est une autre raison pour que je parte. Si je suis transparent, ce n'est pas le genre de vie que je peux vivre. Là, tu m'obliges à être un chien galeux, totalement écrasé à tes pieds, totalement soumis à tout ce que tu vas me dire pour le reste de ma vie. Tu m'obliges à être un maudit menteur. Je peux pas. Si tu as des raisons, si tu veux qu'on parle, on peut parler. C'est simple, donne-moi le goût de rester. Donne-moi le goût d'être avec toi ce soir. Ou de t'emmener. C'est ça, d'être avec toi ce soir. Oui, mais! Et là, va-t'en. Là, ce qui va arriver, tu as un karma noir, puis le reste de ta vie, tu auras un karma. Disons, tu ramasses 5 $ en noir, puis tu ramasses probablement quelques milliards de dollars en blanc. Alors, c'est donc blanc. Continue. Je ne me souviens plus des autres exemples. Ah oui, le professeur qui enseigne à mon fils avec qui je t'avais dit l'enseignant. Donc, tu sais que le professeur, l'enseignant, c'est un professeur. Bon. Alors, lui, il est d'accord qu'on fesse. C'est un professeur. Bon. Alors, tu le rencontres, l'enseignant, tu lui expliques que toi, tu n'es pas professeur. Et puis, l'enseignant finit par mettre l'enfant dehors, etc. Puis bon, paquet de problèmes. Ton karma, il est noir, sauf si tu as déjà expliqué à ton enfant, avant d'aller voir le professeur, si tu lui as déjà expliqué comment était l'humain. Comment fonctionnait l'humain? Qu'il y a des humains qui n'ont pas le taux énergétique pour comprendre des choses. Tu ne dis pas que des humains qui sont stupides parce qu'il n'y a personne de stupide. Qu'il y a des humains qui ne peuvent pas saisir, des humains qui ne peuvent pas comprendre, des humains qui. Bon, tu lui fais un séminaire. Il faut qu'ils comprennent plein de choses. Et puis tu lui expliques maintenant, ben voilà, ton professeur, c'est un professeur, puis il fait ça. Je peux aller le rencontrer, je peux lui expliquer, mais il y a des chances qu'ils comprennent, mais il y a des chances qu'ils ne comprennent pas. Il y a des chances que tu payes plus fort encore après. Pourquoi? Parce que les forces d'intervention au niveau de l'évolution vont s'en mêler aussi. Alors, si l'enfant a bien compris de savoir le professeur, puis le professeur le fait mettre dehors de l'école, tu as du karma noir tant que tu ne t'occupes pas de ton enfant par la suite. Il aura besoin d'être éduqué, d'être instruit, surtout l'éducation s'en occupe, d'être instruit, il aura besoin de support pour qu'il comprenne que ce n'est pas à cause de lui, que peut-être qu'il aura fait mieux de continuer à manger des coups et à rien faire d'autre, c'est pas ça du tout. Que c'est bon, que c'est transparent. Bref, si tu évolues avec ton fils ou ta fille, le peu de karma noir que tu ramasses parce que tu es allé bûcher dans la face de l'autre est totalement compensé par des myriades de karma blancs que tu as ramassés à la condition que tu t'occupes totalement de ce que tu fais. Vous savez, aider quelqu'un, c'est souvent problématique. Et là, ton fils, tu vas l'aider. Ça amène souvent du karma noir. Pourquoi? Parce que quand on décide d'aider quelqu'un, on doit l'aider à 100% jusqu'au bout. Et avant d'aider à 100% jusqu'au bout, je vous suggère de déterminer au départ quel sera le bout. Moi, j'ai ramassé du karma noir en allant aider une personne qui voulait aller au Guatemala rejoindre des individus. Alors, je sers de guide, je sers d'interprète, je les démerde au Mexique, je soigne leurs chiens qui ont traîné en dessous de leur roulotte un bout de temps parce qu'ils l'avaient oublié là. Je trouve un vétérinaire, je donne les injections par la suite, etc. Je traverse, je conduis, j'évite, je leur évite un paquet de problèmes. Et à un moment donné, rendu dans un trou quelque part, il pleut à la renverse, et puis le chemin, c'est totalement boueux, et on ne sait pas si on reste là ou non, mais on est à quelques kilomètres de l'endroit où on va. La moitié veulent y aller, l'autre moitié ne veulent pas y aller, fait que, bon, ben, on décide quand il va, c'est parfait. Alors moi, j'y vais, je monte, etc., pendant on s'embourbe complètement, puis finalement, on est totalement pris. Alors, on décide de détacher la roulotte, de prendre le camion, puis de continuer. Mais on laisse quelqu'un dans la roulotte. Rendu en haut, vu qu'il pleut à la renverse, moi, je vais voir des soldats qui dorment dans le village. Puis eux me disent, écoute, comme il est là, même avec des quatre roues motrices, on ne sortira pas de là. Alors, tu le laisses là, il n'y a aucun danger, il y a une roulotte qui dort. Il y avait une personne dedans. Qui dort, on l'oublie là. Demain, il va arrêter de pleuvoir, on ira le sortir. C'est logique. Sauf que la femme de celui qui dormait, elle n'a pas pris ça comme ça. Elle fallait qu'on vienne, qu'on souffre tout avec lui, ou bien non que, etc. Ce qui fait que le lendemain, tout était parfait, puis j'ai mangé la plus grosse merde de ma vie comme engueulade. Alors, c'est un problème, parce qu'il aurait fallu que j'aide l'individu en fonction de ce que lui a décidé que j'étais comme esclave. Alors même si tout au long tu les sauves, leur sauves la vie, sauves le chien, sauves le mal de la matière, tu payes un maudit karma noir, un maudit chien, il y a tout le problème que tu voudras, et là on vient de confirmer le karma noir. Tu n'as pas à te dire, ben écoute, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien à faire, non, on est pogné avec un karma noir. Il a fallu au départ qu'à chaque fois que tu donnes un coup de pouce, que tu détermines la limite. Où ça arrête? Puis après ça, va là au bout, sinon n'embarque pas. On va continuer sur comment on s'en sort, etc. Vous avez des questions sur le sujet, de toute façon, vous les posez, on va y répondre. C'est pas grave.